We'll be right back. initiateur des années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser des gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Seul de voir les gens s'enfarer un bâtard. Mais cesse de faire le prince à plus dans les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ce qui hier t'en vient, aujourd'hui te jugerai. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bien trop des années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus.